Monsieur, le radar réagit. Objet de masse croissante sur l'orbite basse MX-201. Alerte générale. Il approche. L'objet a passé la vitesse spatiale 2. Il croisera la trajectoire de notre vaisseau dans 120 secondes. Matière noire détectée. C'est un vaisseau de type Death Shadow. C'est l'Arcadia. Tonton, passe-moi les commandes que je dirige le vaisseau mère. Faut vesquer les comètes afin de trouver le sommaire. Les sommets de l'univers entre images et métaphores. N'oublions pas que la puissance des mots c'est méga fort. Dans l'espace de mon inspi je redoute les trous noirs. On espère faire des trouvailles dans la langue et ses couloirs. Le peura comme des fouloirs, on s'est pas trompé de nation. Et tu pourras pas voir de fake dans ma constellation. Conscient de nos lacunes, qui sait si la vie en a qu'une. En attendant on avance sans tourner le dos à la lune. La plume en apesanteur, on s'en va rapper sur Mars. On verra bien sûr. Place sur Terre, c'est devenu des chanteurs. Ce game est des enchanteurs, ils ont caché les étoiles au profit de gens vides qui ont pesé sur la toile. On finira tous à poil sans nos tenues d'équipage. L'espace est trop petit pour vesquiller les sujets qui fâchent. De 1977, corsaire en quête d'opulence. Arcadia en formation de l'humanité, dernière chance. Rappel à mes bagnards, l'honneur est notre seule richesse. À l'abordage, on fêtera alors notre victoire dans l'ivresse. Et rive entre constellations, les rimes fusent comme étoiles filantes. Le vide pour seul compagne, personne ne t'entend hurler dans le silence. Douleur lancinante, gratte et déchue en quête de vengeance. En arrière, notre espèce s'enterra sous le ciment. L'humanité, un bétail, sous la coupe de l'IA. Sans capacité de se débattre sur la tête, l'âme de Toshira. On va éviter la débâcle dans l'ombre, ceux qui tirent les ficelles. Tous mes semblables sous la main de l'abrutisseur mondial visuel. Pas se laisser pénaliser, on va pas se tromper de cible à viser. Aucune compromission, l'Arcadia navigue sans allier, sans arrêt, sans pareil. Malgré les rondes de sentinelles, je te vengerai Maya, le roi pirate est perdu sans sa reine. Attachez vos ceintures, j'ai pris la barre, mais sans faire de calcul. Une conduite de bâtard, réal bâtard, c'est jeter de la capsule. J'arrive du mort lunaire, c'est pareil. Avec ou sans lumière, un voyage sans retour. Pour m'éloigner des galères pécuniaires, y'a pas de limite. Jette un coup d'œil et la sphère est précise. J'trouve vraiment bonne étoile et par moi-même car le flair est précis. Trop tête en l'air, j'défie la gravité bien avant de décoller. Cette fois c'est pour de bon, avec les frères, sort de m'épauler. Ça gratte des rimes à l'infini et jusqu'à l'au-delà. Rien à foutre de ton buzz, vis pour le rap, prends pas les vos dollars. Pas de la même dimension, un ovni pour tous ces aliénés. Ma seule constellation est faite de rimes que j'essaie d'aligner. Des plans sur la comète, de quoi faire pâlir la NASA. De là où je suis, mon cordon fait la taille de la bande de Gaza. 10 milieux de vos hommes qui rêvent de luxe et des pelles cardiaques. Pas besoin de me contacter, pour le moment je suis dans l'Arcadia.